quoi de mieux que cette belle journée ensoleillée pour faire un point sur le déploiement de l'énergie solaire, une manne énergétique tombée du ciel et qui fait rêver ingénieurs et écologistes depuis des décennies. Imaginez un peu, la quantité d'énergie solaire qui atteint la surface de la Terre en un an est équivalente au double de toute l'énergie obtenue de toutes les ressources non renouvelables exploitées depuis les débuts de l'humanité. Oui, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, il y a le mur du réel, le rendement, le stockage, la distribution. Où en est-on exactement dans le déploiement de l'énergie photovoltaïque dont on nous annonce qu'elle représentera 70% de l'énergie consommée d'ici la fin du siècle? Énergie solaire, ça chauffe, c'est le programme lumineux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur le déploiement de cette énergie, sur les obstacles qui restent à sa généralisation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anis Jouini. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes chef du département de l'énergie solaire au CEA Litten et directeur de l'Institut National de l'énergie solaire. Et Alexis Vossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire procédés matériaux énergie solaire, mieux connu comme le four solaire de Deyo, dont nous parlerons tout à l'heure certainement. Mais on commence par celle qui rayonne chaque jour sur l'actualité scientifique la plus brûlante. C'est Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec un commentaire qui a été publié dans la revue Nature. Nous devrions commencer d'ores et déjà à chercher des vaccins, non pas pour l'épidémie d'aujourd'hui, mais pour les épidémies de demain. Et dans la communauté scientifique, on s'y attend. Il est fort probable que dans les années à venir, de nouveaux virus et de nouvelles épidémies émergent. Alors dans ce papier, ces chercheurs californiens appellent à prendre de l'avance face aux futurs agents pathogènes qui n'ont pas encore émergé. Ils encouragent les gouvernements et le secteur privé à investir, dès maintenant, dans la recherche d'un certain type d'anticorps. Alors, il y a les anticorps neutralisants, qui ne peuvent se lier qu'à un seul variant viral spécifique. Et il y a une classe spéciale, les anticorps neutralisants à large spectre, capables, eux, de neutraliser plusieurs souches d'un virus. Ils pourraient être utilisés pour concevoir des vaccins panviraux qui pourraient cibler les virus d'une même famille. Les chercheurs appellent donc à investir dès à présent dans la recherche fondamentale de ces protéines protectrices. Alors certes, ces recherches coûtent très cher, mais ce n'est rien face aux conséquences économiques d'une pandémie. Et on parle évidemment bien de ces anticorps à large spectre. En tout cas, on vous met le lien vers ce commentaire de la revue Nature. On en reparlera certainement dans une émission prochaine. En attendant, vous pouvez lire tout cela sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue European Journal of Epidemiology, le SARS-CoV-2 circulait peut-être en France dès novembre 2019. Oui, bien avant le premier cas officiel, fin décembre 2019, en Seine-Saint-Denis. Une équipe de l'INSERM a étudié rétrospectivement les échantillons sanguins de plus de 9000 adultes. Les chercheurs ont identifié la présence d'anticorps contre le SARS-CoV-2 chez 13 participants, dont les échantillons ont été prélevés entre novembre 2019 et janvier 2020. Par la suite, les enquêtes ont montré que ces personnes présentaient alors des symptômes similaires au Covid-19. Cela signifie donc qu'en novembre, le taux de contamination dans la population française était déjà de l'ordre d'un cas pour 1000. Hier, la sonde Al-Amal des Émirats Arabes Unis a atteint son orbite autour de Mars. Et lancée en juillet dernier, c'est la première mission interplanétaire du monde arabe. La sonde Al-Amal, ou Espoir en français, a pour mission l'étude de l'atmosphère et du climat martien, avec trois instruments embarqués à bord. Un spectromètre infrarouge, un imageur haute résolution et un spectromètre ultraviolet. La sonde restera en orbite pendant au moins une année martienne, soit 687 jours. Elle commencera à nous transmettre ses observations en septembre 2021. Ces données seront disponibles pour les scientifiques du monde entier. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Translational Psychiatry, un traitement à base de kétamine réduirait les pensées suicidaires chroniques. La kétamine, un anesthésiant pour cheval ou une drogue festive illégale, a montré de très bons résultats là où les antidépresseurs traditionnels échouent. 32 patients ont reçu des doses légères de kétamine orale pendant 6 semaines. Tous étaient touchés par ce qu'on appelle la suicidalité chronique, un état permanent de pensée suicidaire très difficile à traiter. Pour les deux tiers du groupe, le traitement a réduit drastiquement et rapidement les idées suicidaires. Alors des petits effets secondaires, mais rien de grave. Les auteurs de ce papier appellent à réévaluer ce produit chimique pour la recherche en santé mentale. Voilà, et puis on va vous mettre le lien à l'émission que nous avions consacrée il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, justement à la recherche médicale sur les psychédéliques et notamment en psychiatrie. Merci beaucoup Natacha et à demain donc pour le prochain Journal des Sciences. Alors que les conclusions de la Convention pour le climat sont examinées en ce moment par l'Assemblée nationale, nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser à l'énergie solaire et au photovoltaïque. On ne peut pas dire pour l'heure que la France brille dans cette filière avec à peine plus de 2% de notre mix énergétique. Notre pays accuse un retard certain comparé à d'autres, y compris des pays plus au nord avec moins d'ensoleillement comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et pourtant, si nous souhaitons atteindre les objectifs chiffrés par la loi de transition énergétique de 2015, qui prévoit de passer à 32% la part des énergies renouvelables toutes confondues, donc solaire inclus, eh bien, il va falloir consentir en tout cas un petit effort. D'autant que le potentiel est extrêmement grand, la France étant avec l'Espagne et l'Italie parmi les pays les plus ensoleillés d'Europe. Si on ne prend en compte que le potentiel inexploité sur les toitures, il représente à lui seul 3 fois plus que la puissance de l'ensemble du parc de production française, toutes filières confondues. Comment expliquer alors que cette énergie décrite comme une manne n'est pas rendue pour le moment toutes ses promesses, pourtant si largement vantées? Écoutez les perspectives décrites par mes collègues de la Radio Diffusion Française, nous sommes en 1954. Voici que l'Assemblée de l'Union Française a été saisie d'une proposition tendant à encourager l'utilisation de l'énergie solaire du Sahara. Il paraît que l'énergie radiante reçue chaque année du soleil équivaut à celle que fournirait une somme incroyable de tonnes de charbon. Richesse fabuleuse qui nous tombe du ciel. Mais peut-on exploiter cette énergie solaire, ce qu'on appelle poétiquement la houille d'or? On affirme que oui. Un savant français avait, il y a plus d'un demi-siècle, fabriqué une première machine à vapeur capable, grâce à un jeu de miroir, d'utiliser l'énergie solaire, il avait obtenu une puissance infime. Anglais et Américains ont de nouveau essayé. Des stations expérimentales furent installées, donnant une puissance beaucoup plus grande. Se fondant sur les progrès réalisés dans le domaine des turbines à basse pression, un spécialiste constatait que l'on pouvait fort bien concevoir au Sahara une chaudière plate limitée seulement par une vitre ordinaire. Dans ce cas, nul besoin de miroir. 250 hectares d'installation permettaient d'obtenir chaque année pas moins d'un milliard de kilowatt-heure. Voilà cette manne solaire décrite dans cet archive de 1954. Je vous demandais de réagir à ce que vous venez d'entendre, Agnès Jouini. C'est tout simplement fabuleux d'avoir des visionnaires qui ont parlé beaucoup avant de nous du potentiel de cette énergie qu'aujourd'hui on est en train de le prouver avec à peu près 600 gigawatts installés à travers le monde et avec un potentiel, comme vous venez de le citer, d'atteindre des chiffres qui dépassent plusieurs milliers de gigawatts. On est en train de passer de l'étape des gigawatts vers l'étape des terawatts. Et puis c'est une énergie qui est de plus en plus démocratisée grâce à son coût très très faible au mégawattheure. Et bien évidemment grâce aux recherches technologiques qui ont permis de mettre aujourd'hui des produits très puissants pour une surface donnée. Bon, alors on va donc évidemment. C'est vraiment fabuleux d'entendre qu'en 1954, il y avait déjà des visionnaires qui en ont parlé de tout ça. Et nous, aujourd'hui, au sein de l'INES, on est très contents de participer à cette aventure. Alors on va voir que cette aventure, effectivement, elle est certes très prometteuse, mais il y a quand même aussi un certain nombre d'obstacles. J'aimerais qu'on dise un mot, peut-être avec vous, Alexis Vossier, puis je vous demander votre réaction à l'archive. Mais on va parler de 600 gigawatts, de terawatts, de pétawatts, tout ça c'est très abstrait. À quoi ça correspond aujourd'hui la puissance d'énergie solaire, mettons, qui est développée en France par rapport... Donnez-nous des éléments de comparaison en fait, parce que ça, dit comme ça, ça ne dit pas grand-chose à nos auditrices et à nos auditeurs. Ouais. Eh bien, alors pour revenir sur le témoignage, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que donc en 1975, c'est-à-dire 20 ans après l'extrait que vous avez diffusé, le coût de l'électricité photovoltaïque était de l'ordre de 80 € ou dollars par watt peak installé. Donc déjà 20 ans après, il fallait être un doux rêveur pour croire en l'énergie solaire, quoi. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où l'énergie solaire photovoltaïque en particulier a des niveaux de prix qui sont totalement concurrentiels avec les alternatives, qu'elles soient nucléaires, carbonées ou les autres sources d'énergie renouvelables. Donc c'est vrai que d'énormes progrès ont été accomplis en ce sens. Donc pour rebondir sur votre deuxième question, alors vous disiez qu'en France on est en retard par rapport à d'autres pays. Oui et non. En France, l'énergie solaire photovoltaïque représente environ 2,5% de la production d'électricité en France. Donc aujourd'hui, fin 2019, il y avait l'équivalent de 10 gigawatts de puissance photovoltaïque installée qui produisait 12 térawattheures. Alors, faut savoir que la consommation électrique en France est de l'ordre de 500 térawattheures électriques par an. Donc ça représente effectivement 2,5% de la production d'électricité. D'accord. Alors avec le solaire, 10 gigawatts, donnez-nous un point de comparaison. Qu'est-ce qui produit également puisque 10 gigawatts c'est l'ensemble de la production d'électricité photovoltaïque du pays. Qu'est-ce qui produit 10 gigawatts par exemple? Vous pouvez nous donner je sais pas un élément de comparaison pour qu'on se représente ce que ça fait. Alors grosso modo, une tour de centrale nucléaire, ça va être 1 gigawatt. Donc on va dire que là en première approximation, la puissance électrique générée par nos panneaux photovoltaïques en France est équivalente à l'électricité produite par 10 tours de centrales nucléaires. Voilà. La différence. 10 tours, alors attendez, je vous arrête parce que 10 tours de centrales nucléaires, c'est pas 10 réacteurs nucléaires, hein, qu'on comprenne bien. 10 réacteurs nucléaires. 6 réacteurs nucléaires, d'accord. Voilà, 10 réacteurs nucléaires. Ok, très bien. Alors du coup, voilà, pour le moment, on va reparler hein, de tout ça, des coûts, etc. Mais qu'on fasse le, parce que effectivement, on entend beaucoup, et vous venez de le dire l'un et l'autre, hein, Anis Jouini, Alexis Vossier, quand on en parle, le solaire, c'est pas cher, c'est merveilleux, ça se développe, les prix chutent, et en même temps, on a l'impression que, alors il y a des critiques hein, qu'on va pouvoir examiner au cours de cette heure, mais que on n'avance pas à la vitesse à laquelle on nous a promis que le solaire avancerait. Il y a eu une chute entre 2012 et 2014 de l'installation des panneaux solaires. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à leur conception et à leur, eh bien, à leur rapatriement vers la France parce que beaucoup ne sont pas. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans le déploiement d'un plan solaire qui arriverait justement aux expectatives qui ont été énoncées ces dernières années et notamment par l'un et par l'autre, Anis Jouini? Je dirais que c'est une très très bonne question. Parce que donc il y a un peu de contradiction dans ce qu'on dit. On dit que la technologie est prête, on dit que le prix est abordable, et puis de l'autre côté, on n'honore pas nos objectifs nationaux niveau installation. Je dirais qu'il y a un aspect réglementaire qui évolue très très vite et qui arrive à rattraper un peu de retard. Et puis après, c'est une nouvelle technologie qui avance très très vite. C'est une technologie qui s'impose dans un temps record. Et puis, il y avait un peu de prudence qui était au début, ça l'est plus aujourd'hui, pour adopter, on va dire, cette technologie qu'on voit un peu partout aujourd'hui autour de nous et que la montée en puissance peut être faite très très vite. Je dirais que le potentiel et l'avenir peut vraiment, le retard qu'on a pris jusqu'à présent, son rattrapage est très très facile. On va juste sortir un peu de nos murs et regarder un exemple qui était avec lequel on a beaucoup travaillé ensemble et on était très impliqués, c'est l'Inde. L'Inde, jusqu'à un bon bout de temps, ils avaient que quelques centaines de mégawatts, mais en un an, ils étaient capables d'installer une vingtaine de gigawatts. Ça, c'était en 2018. Donc, c'est vraiment une énergie qu'on peut déployer très facilement. Et en France, on a une autre approche, c'est qu'on cherche vraiment à pousser à l'intégration, à intégrer cette énergie autour des surfaces actuellement, on va dire, artificialisées. Et on essaie de bien utiliser les terrains disponibles en France, sachant que les terrains pour le photovoltaïque, ça n'a jamais été un frein. Parce que on a montré en fait que les modules photovoltaïques peuvent se marier, peuvent s'adapter avec différents types d'applications, en partant du résidentiel au commercial, sur nos grandes surfaces ou même autour de l'agri-photovoltaïque pour combiner avec l'agriculture. Je pense que tout ça avec une loi d'autoconsommation qui a été validée donc et qui a été votée les 2 années passées, tout ça, ça va participer au déploiement massif de cette technologie autour de nous. Alors, on entend bien vos arguments, Anis Zouini. Je vais me retourner vers Alexis Vossier. J'aimerais vraiment qu'on arrive à examiner un peu, parce que j'ai l'impression, quand je vous entends, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout est rose, et qu'une fois de plus, ce photovoltaïque, c'est vraiment l'énergie du futur, et que finalement, tout ça va s'installer, si ça n'est pas déjà en train d'être le cas. Or, on a quand même l'impression, quand on regarde la progression du parc photovoltaïque, notamment en France, il y a d'autres pays dans le monde où c'est effectivement, vous parliez de l'Inde, on pourrait parler des États-Unis, ou d'autres pays où ça va un petit peu plus vite, mais on a quand même l'impression que ça ne va pas à la vitesse à laquelle ça devrait aller si le panorama était aussi rose que vous le décrivez l'un et l'autre, Alexis Vossier. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Mais je pense, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus en détail, que le principal frein, selon moi, à un déploiement massif du photovoltaïque, du solaire, enfin, des énergies variables en général, l'éolien c'est identique, c'est la nature fatale de la ressource. C'est-à-dire qu'on produit de l'électricité quand le soleil brille. Et quand il ne brille pas, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une source d'énergie d'appoint. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, parce qu'on ne peut pas se contenter d'installer du photovoltaïque pour installer du photovoltaïque. Il faut également penser à la source d'énergie qu'on utilisera lorsque le soleil ne brillera pas. Et là, ça commence à poser problème, parce que ça veut dire qu'il faut qu'en complément des panneaux photovoltaïques, on ait une source d'énergie pilotable, c'est-à-dire qui puisse produire à la demande et qui idéalement ne soit pas émettrice de CO2, puisqu'à la fin, ce qu'on veut, c'est évidemment réduire notre empreinte carbone. Donc une illustration de ce problème, on le voit tous les jours, notamment en Allemagne, et à cet égard, j'invite vos auditeurs qui en ont la possibilité de regarder le site Electricity Map, qui donne en fait l'empreinte carbone de l'électricité de plein de pays dans le monde, en direct, en temps réel. Et là, si vous le regardez en ce moment même, je le fais en même temps que vous, eh bien vous verrez que l'Allemagne a une installation, enfin une puissance photovoltaïque et éolienne installée qui est gigantesque comparativement à celle de la France. Mais voilà, aujourd'hui, il se trouve que au moment où on se parle, le potentiel photovoltaïque est utilisé à hauteur de 4,33% de la capacité installée, le potentiel éolien à 5,93%. Donc ça veut dire que l'essentiel de l'électricité consommée en Allemagne maintenant est produite par des sources d'énergie carbonée, puisque vous savez que l'Allemagne essaie de se passer de nucléaire. Et donc quand on compare les situations en termes d'empreinte écologique des deux pays en temps réel maintenant, eh bien vous avez une empreinte carbone, une intensité carbone en Allemagne qui est de l'ordre de 489 grammes par kilowattheure de CO2 par kilowattheure produit, là où la France est à 85 grammes. Donc, selon moi, ça constitue vraiment un des freins au déploiement massif de l'énergie solaire dans les années à venir. Il y a vraisemblablement des solutions, mais elles sont quand même assez discutables, assez complexes à mettre en œuvre. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez constater par vous-même. Et on sait aussi, il est important de le répéter, que la nature très décarbonée de l'énergie française est liée à la forte part de nucléaire, hein, qui représente 70% de l'électricité produite. Donc ça, on sait aussi que cette électricité, elle est produite à bas coût, et peut-être là aussi qu'il y a un frein, puisqu'aujourd'hui, l'électricité nucléaire, dont on peut discuter plein d'aspects, produit de l'électricité très peu chère et très très décarbonée. Mais on va continuer à parler de cette énergie photovoltaïque. On va essayer déjà de comprendre comment ça marche, et on va essayer de comprendre si un jour on va réussir effectivement à tirer toute cette manne qui nous tombe gratuitement de notre belle étoile à quelques 8 minutes lumière de nous. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'énergie solaire tout au long de cette heure en compagnie d'Anis Zouini et d'Alexis Vossier. Alors on parle évidemment panneaux solaires, photovoltaïques. On peut préciser peut-être, Alexis Vossier, que quand on parle d'énergie solaire, il y a différents types d'énergie solaire, il n'y a pas que le photovoltaïque. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on pense instantanément aux panneaux photovoltaïques. Je pense, alors peut-être que je suis un peu biaisé parce que je travaille là-dedans, mais c'est vrai que quand on pense à l'énergie solaire, on pense d'abord aux panneaux photovoltaïques. La principale source d'utilisation de l'énergie solaire, c'est pour des applications thermiques où on va chercher à chauffer de l'eau, par exemple, pour avoir de l'eau chaude sanitaire. Ça constitue environ 70% des applications solaires aujourd'hui. Il ne faut pas oublier également une autre application à laquelle on pense moins, pour tout un tas de raisons, mais qui est ce qu'on appelle le solaire thermodynamique à concentration, pour lequel on va utiliser la chaleur du rayonnement solaire pour injecter cette chaleur dans des turbines et produire de l'électricité de cette manière. Donc aujourd'hui, c'est très minoritaire par rapport au photovoltaïque, hein, puisque ça, la puissance solaire thermodynamique installée est de l'ordre ça représente environ 1% de la puissance photovoltaïque installée dans le monde, mais par contre, elle a un avantage vraiment important par rapport à l'électricité photovoltaïque, elle a une capacité de stockage de l'énergie solaire qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Et pourquoi ça ? Parce que avec cette technologie, on peut stocker l'énergie sous forme de chaleur, là où avec de l'électricité, on va plutôt avoir besoin d'utiliser du stockage électrochimique. Bien sûr, donc des batteries. Des batteries, voilà. Qui marchent bien, mais qui sont quand même relativement chers aujourd'hui. Alors, on va parler principalement du photovoltaïque. Peut-être, moi, je trouve que c'est toujours intéressant, Annie Jouini, de nous rappeler comment ça fonctionne un panneau photovoltaïque. Comment est-ce qu'on convertit la lumière, hein, en l'occurrence, et donc pas la chaleur, en électricité? Parce que c'est en comprenant cela qu'on va comprendre comment sont construits les panneaux photovoltaïques et comment, eh bien, l'essentiel de l'empreinte carbone de l'énergie solaire, se construit justement via l'intégration de ces panneaux solaires. Eh bien, on va essayer de simplifier pour nos auditeurs. Donc, c'est vraiment très très simple. On a une lumière qui est irradiée sur une surface donnée, et cette surface va permettre de transformer les photons qui composent la lumière en électricité. Ça veut dire en électrons. Donc, pour ça, on a besoin d'un matériau, donc c'est le silicium, c'est un matériau très abondant, parmi les matériaux les plus abondants sur Terre, un élément qui est pas toxique, mais qui existe sur l'état oxydé, qu'on sait comment le transformer en silicium, en métal. Donc cette plaque, ou cette plaquette de silicium, elle va être modifiée avec des dépôts de couches pour essayer de former une diode. Une diode, c'est donc l'électron. Et le photon, il est transformé en électron. Et puis, quand il est transformé en électron, donc quand ça bouge d'un atome à un autre qui se déplace, ça crée de l'électricité. Sauf qu'il fallait organiser ces électrons pour qu'ils se déplacent dans un sens, on va dire, dans un sens bien organisé. Et puis, ça génère de l'électricité pour la collecte de cette électricité sur les panneaux, ou les modules solaires. On voit bien toujours une surface métallique, c'est une grille métallique. Son rôle à cette grille métallique, c'est la collecte des électrons. Donc, les électrons sont créés à l'intérieur du matériau. Après, il y a une grille métallique qui s'occupe de la collecte. Et puis après, on récupère ça. C'est du courant continu qu'on utilise derrière des convertisseurs pour le rentrer sur nos lignes, sur le toit d'une maison ou dans une centrale pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'on comprenne ça, on parle de l'effet photovoltaïque qui a été découvert en 1800 et quelques par Antoine Becquerel, que lui il a vu que quand il y avait du rayonnement du solaire sur quelques types de matériaux, il y a des étincelles de courant. Donc il a... Est-ce qu'on a perdu Anis Jouini ? Est-ce qu'il va revenir ? Je crois que nous l'avons perdu, donc nous allons le recontacter. Alexis Vossier, je vais vous laisser poursuivre. C'était en 1839, la découverte de l'effet voltaïque par Antoine Becquerel. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'un panneau solaire, ça marche effectivement à partir de silicium. Le silicium, c'est un élément extrêmement courant. On a l'habitude de lire que c'est l'élément le plus courant sur Terre après l'oxygène. Donc, on en a à foison, tout va bien. Néanmoins, pour qu'on comprenne bien comment se passe cet échange d'électrons, il faut peut-être expliquer ce qu'on appelle le dopage du silicium, c'est-à-dire avec finalement la borne négative et la borne positive. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, ça, Alexis Vossier ? Oui, alors pour faire simple, on va utiliser du dopage parce qu'on va avoir besoin de séparer les électrons et les trous, qui sont l'autre particule, sur deux électrodes de manière séparée, quoi. Et donc, en fait, on va avoir besoin d'utiliser quelque chose qui fasse office de membrane pour récolter les électrons sur une électrode et les trous sur l'autre électrode. Et donc, en l'occurrence, on va, pour ce faire, utiliser du dopage qui sera de type différent, qui sera de type P ou de type N. Et en fait, à l'interface entre les deux zones dopées, il y aura l'apparition d'un champ électrique qui aura pour effet de repousser les électrons d'un côté de la cellule et les trous de l'autre, et ce qui fait qu'on va récolter indépendamment des électrons d'un côté et des trous de l'autre. P ou N pour positif ou négatif, et pour ça, on utilise d'une part du phosphore et de l'autre part des atomes de bore, c'est bien cela ? Pour le silicium, c'est ce qu'il me semble, oui. Pour le silicium, d'accord. Donc, une fois qu'on a ça, on obtient un courant électrique. Il y a une chose importante peut-être à savoir ou à préciser, je trouve que c'est toujours bien parce que ça explique notamment pour l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas encore d'immenses centrales photovoltaïques qui apparaîtraient dans le Sahara pour inonder l'ensemble de la planète d'électricité. C'est une belle utopie, mais c'est encore assez compliqué techniquement, notamment parce que les panneaux photovoltaïques perdent en rendement avec la hausse de la température. Tout à fait, oui. Donc en fait, ça, c'est la difficulté. Et évidemment, c'est un gros problème parce que le rayonnement solaire est évidemment une source de chaleur. Donc toute la difficulté de la conversion photovoltaïque, c'est de réussir à récolter un maximum de photons tout en limitant l'échauffement de la cellule et du module. Mmh. Et, donc c'est un vrai défi technologique. Mais bon, dans la pratique, ça s'effectue sans réel problème. Donc on sait que en pratique, les cellules sont caractérisées dans des conditions bien définies d'illumination de température à 25 degrés, et on sait que quand on va les installer dehors, eh bien, il y aura une baisse de rendement de conversion qu'on peut quantifier parce qu'on connaît bien l'effet de la température sur les performances des cellules photovoltaïques. Néanmoins, on arrive quand même à obtenir des rendements de conversion qui sont très corrects. La chute de rendement est somme toute relativement modeste. Alors justement, puisqu'on parle de rendement, on dit souvent que l'un des problèmes du photovoltaïque, c'est que finalement il y a une sorte de plafond indépassable du rendement qui se situe aux alentours de 33%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Annie Zouni? Je crois qu'on vous a récupéré après cette petite coupure. Quel est le problème qui est lié au rendement justement des panneaux photovoltaïques? C'est aujourd'hui les différents modules photovoltaïques qu'on voit autour de nous sont essentiellement à base de silicium. Mmh. Le silicium, c'est un matériau semi-conducteur et physiquement, le rendement, quand on utilise des plaquettes à base de silicium, il est limité. C'est une limitation théorique, une limitation physique. Mmh. De l'autre côté, donc, si je reviens sur la question d'avant sur la partie température, donc il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de perdre vraiment très très très peu par rapport au degré. Donc on parle de 0,25% de rendement par degré Celsius. Si je reviens à votre question, donc il y a le silicium, c'est un matériau qui se marie avec beaucoup d'autres matériaux. Et donc, c'est d'autres matériaux qu'on peut déposer au-dessus du silicium. On parle de déposer des couches, mais vraiment très très faibles, des couches nanométriques, ou des couches micrométriques, en fait, au-dessus du silicium. Et ces couches-là, vont être complémentaires par rapport au silicium, vont aller chercher à absorber de la lumière là où le silicium n'absorbe pas, pour aller dépasser la barre des 30% ou des 35% de rendement. Nous avons d'autres matériaux également qui aujourd'hui répondent à ce besoin-là. Sauf que ces matériaux-là sont chers, sont utilisés dans le domaine du spatial, par exemple, et pas dans le domaine du photovoltaïque, parce que là, il y a un problème de coût auquel le photovoltaïque est très exigeant, niveau coût faible. Bien sûr. Donc, les développements futurs portent essentiellement sur le développement de cette deuxième couche qui va se marier avec le silicium pour aller chercher les rendements au-delà de 30%. Et c'est ce qu'on appelle communément dans le domaine la cellule tandem, qui a deux couches, une couche A et une couche B qui se marient ensemble. Et il y a beaucoup de développement et de recherche autour de nous sur les cellules tandem et pour aller chercher les 30% et plus. On parlera des différentes solutions à l'étude tout à l'heure dans la deuxième partie, justement pour augmenter ces rendements. On verra qu'on peut utiliser autre chose que le silicium, on peut utiliser plein d'astuces, même des astuces quasiment géométriques sur l'organisation des cellules photovoltaïques. Peut-être un mot tout de même, Alexis Vossier, puisqu'on parle du bilan carbone de ces différentes énergies qu'il faut évidemment tâcher de réduire le plus possible. Aujourd'hui, le principal impact environnemental du photovoltaïque, c'est la construction des panneaux, et avec notamment un problème de taille qui est que aujourd'hui la plupart de la manufacture de ces panneaux photovoltaïques se fait assez loin de l'Europe. Oui, absolument. Alors c'est vrai que en soi, lorsqu'un panneau photovoltaïque génère de l'électricité, il ne produit pas de CO2, mais il y a un coût en termes d'émissions de CO2 lié à la fabrication du panneau. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la grande majorité des panneaux photovoltaïques installés dans le monde sont produits en Chine, et qui utilisent une électricité qui est largement carbonée. Et donc ça signifie quoi? Ça veut dire que à la fin, l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques qui ont été fabriqués en Chine n'est pas négligeable, puisqu'elle est elle est de l'ordre aujourd'hui, d'après les chiffres donnés par divers organismes, de 45 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Là où on va dire les sources d'énergie alternatives se placent plutôt mieux. Donc l'éolien est à 11 grammes de CO2 par kilowattheure, l'hydroélectricité est à 24. Et le nucléaire, par exemple, est à 12 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, c'est pas une difficulté insurmontable. Hein. À partir du moment où l'électricité qui aura été utilisée pour la fabrication des panneaux sera décarboné, on abaissera ce chiffre. Mais aujourd'hui, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue en même temps, parce que s'il faut produire de l'électricité carbonée pour produire de l'électricité décarbonée, il y a un moment donné où il faut quand même trouver un coin d'entrée pour réussir à décarboner l'électricité qui va être utilisée. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut en avoir conscience. Quoi. C'est vrai que le fait d'utiliser une source d'énergie que l'on considère comme étant verte ne signifie pas qu'elle n'a pas été produite avec de l'énergie qui contient du carbone. Donc aujourd'hui, si par exemple, on remplaçait toute l'électricité nucléaire qu'on a en France par de l'électricité solaire, eh bien, dans les faits, on augmenterait notre bilan carbone. Oui, c'est assez contre-intuitif, mais c'est effectivement assez intéressant. Peut-être un mot là-dessus, Anis Jouni, quelles sont les pistes à exploiter aujourd'hui pour réduire le bilan carbone de la production de ces centrales photovoltaïques et de ces panneaux photovoltaïques? Il y a vraiment, nous sommes, on peut dire hein, aujourd'hui, on peut être fiers, parce que nous sommes les premiers de la classe à avoir intégré des critères sur le gain des appels d'offres creux en interne pays, et on a mis dans nos appels d'offres, il y a le critère carbone qui rentre dedans. C'est-à-dire, précisez-nous ça. Ça veut dire quelqu'un qui produit pour un prix équivalent, quelqu'un qui produit son module avec une empreinte carbone plus faible, il a plus de chances de gagner un appel d'offres en France que l'autre. Très bien. Donc récemment, il y a la Corée du Sud qui s'est intéressée et puis qui a mis en place le même mécanisme. Donc on est dans cette tendance d'essayer de favoriser et de pousser les fabricants des modules photovoltaïques pour vraiment sécuriser une empreinte carbone la plus faible possible. Et ça se fait parce que sur la chaîne, la production de silicium au début, c'était vraiment le silicium était très coûteux et on dégageait beaucoup de gaz. Et puis après, avec des principes d'économie circulaire, avec des principes de recyclage de gaz, avec des principes de recycler en fait la poudre de silicium qui est dégagée. Donc il y a beaucoup d'améliorations donc au sein de la filière depuis 10 ans maintenant pour essayer de favoriser d'aller dans ce sens. On voit aussi des aspects réglementaires qui montent en puissance, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen. Donc les différents cols européens pour qu'ils poussent vraiment dans ce sens et pour respecter nos engagements pour la baisse des taux des émissions des gaz à effet de serre. Donc on va dans cette direction pour avoir en fait un module qui sera le plus propre possible. Et bien évidemment, comme il l'a dit mon collègue à l'instant, il y a des pays qui sont mieux armés que d'autres. Si on produit un bout de la chaîne en Norvège et un bout de la chaîne en France, et ben là, on peut avoir un des meilleurs modules au monde, parce que ces deux pays sont connus par leur mix énergétique qui a une faible empreinte carbone due aux différentes sources d'énergie qui sont derrière. Et un dernier mot sur cette question de l'impact et du bilan environnemental. On sait notamment que les éoliennes peuvent être elles aussi critiquées au moment de l'assemblage à cause des métaux ou des terres rares. Est-ce que c'est le cas également, Alexis Vossier, pour les panneaux photovoltaïques? Globalement, alors ça va dépendre des technologies. C'est vrai que suivant les technologies, il va y avoir des problèmes d'abondance, de certains risques liés à l'utilisation de certains matériaux. Mais pour la technologie qui prédomine très largement le photovoltaïque aujourd'hui, qui est le silicium, il n'y a pas de problème particulier. Le seul problème, ce serait celui qui est lié aux batteries, qui est là encore un autre problème et qui est commun à toutes les énergies dites alternatives. Tout à fait. Ouais. Alors il pourrait y avoir un problème. D'approvisionnement en argent qui est le composant utilisé pour établir le contact électrique pour extraire les électrons de la cellule, en imaginant qu'on déploie vraiment du solaire photovoltaïque à très grande échelle au niveau mondial. Mais en soi, ce n'est pas une technologie qui soit limitée par l'abondance de la ressource. On va continuer à évoquer cette énergie solaire, les obstacles à son déploiement. On va parler également de la recherche, comment faire pour augmenter le rendement, quelles sont les solutions là aussi pour baisser l'empreinte carbone. Et puis, est-ce qu'on peut imaginer à terme, comme on l'a pu le lire ici ou là, que d'ici 2100, 70% de l'énergie consommée sera solaire? On en parle dans un instant. At Carmelos de Casablanca Driver à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'énergie solaire tout au long de cette heure en compagnie d'Annie Zouini, qui est chef du département de l'énergie solaire au CEA Liten et directeur de l'Institut National de l'Énergie Solaire, et Alexis Vossier, qui est chargé de recherche CNRS au laboratoire Procédés Matériaux Énergie Solaire. Nous parlions et nous allons parler de l'amélioration des performances des panneaux photovoltaïques, l'un des endroits où se concentre précisément la recherche sur l'amélioration de ces performances, c'est l'Institut photovoltaïque où vous êtes rendu, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et parmi les principales pistes suivies par les chercheurs dans le domaine du photovoltaïque, la technologie dite ALD pour Atomic Layer Deposition est l'une des plus prometteuses pour améliorer les performances en matière de production d'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques. Nathanaël Schneider est chercheuse en chimie à l'Institut photovoltaïque de France, l'IPVF. Elle a obtenu en novembre dernier la médaille de bronze du CNRS. Elle nous explique le fonctionnement de l'ALD et la façon dont cette technologie est mise à l'épreuve en laboratoire pour s'assurer de son bon fonctionnement. L'ALD, donc Atomic Layer Deposition, c'est une méthode de dépôt qui est chimique. Donc on utilise des molécules qui viennent réagir à la surface d'un substrat pour se réorganiser et produire le matériau. Et sa particularité, c'est que c'est un dépôt chimique et surtout qu'on fait des croissances plan moléculaire par plan moléculaire. On travaille dans une salle blanche pour le photovoltaïque, comme pour la microélectronique par exemple, puisqu'on a besoin de contrôler à la fois le taux de poussière, le taux d'humidité et la température des laboratoires. Du coup, l'équipement, c'est la protection notamment de la tête, du corps, des pieds. Donc on a des surchausses, on a une blouse et une charlotte. On vient de s'équiper de pied en cap. Où est-ce qu'on se trouve et puis qu'est-ce que vous m'emmenez voir? Mais alors là, on se trouve vraiment dans la salle blanche, donc l'endroit où à la fois on fabrique les matériaux, on assemble les cellules solaires et on les caractérise. Donc là, par exemple, on va rentrer dans une salle dans laquelle je travaille en particulier, où on utilise donc l'ALD pour fabriquer les matériaux. Ces équipements que vous voyez là devant vous, donc c'est des réacteurs d'ALD. Donc c'est des boîtes noires presque, hein. On voit une structure métallique. Mais ce qui est raccordé à elle, c'est un système de vide et puis surtout une chambre de réaction dont on va pouvoir contrôler la température, à l'intérieur de laquelle on va mettre le substrat ou la cellule solaire qu'on veut fonctionnaliser et différentes molécules de système pour amener les molécules chimiques à l'intérieur de la chambre de réaction. On est sur des objets photovoltaïques qui sont de plus en plus complexes. Et donc, chaque matériau, il a vraiment un cahier des charges hyper précis. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de contrôler très finement la nature du matériau, à la fois son épaisseur, sa composition, parce que tout ça, ça va avoir un impact sur ses propriétés. Donc, c'est ses propriétés optiques ou électroniques. C'est les deux propriétés qui nous intéressent principalement pour le photovoltaïque. Ces couches-là qui suivent la technique ALD, est-ce que vous pouvez m'expliquer juste comment elles marchent et quelle est la réaction en fait qui est recherchée pour qu'elles deviennent des cellules photovoltaïques intéressantes ? Elles ne vont pas devenir une cellule photovoltaïque intéressante. Elles vont être une des couches qui vont permettre de faire une cellule photovoltaïque efficace. Et en fait, l'ALD, sa particularité, c'est vraiment qu'on a des molécules qui viennent réagir à la surface du substrat. Donc on peut jouer vraiment avec les outils de la chimie organométallique. On va jouer sur cette réactivité et on va pouvoir contrôler finement la nature et l'arrangement des atomes quand ils forment le matériau. La particularité de l'ALD, et c'est pour ça que les gens s'y intéressent beaucoup, c'est encore une fois qu'on contrôle donc l'épaisseur de la couche, mais aussi comme on permet de recouvrir des surfaces qui pourraient être rugueuses ou qui pourraient même être des nanophiles. Là, vous avez par exemple un exemple, ce sont des nanotubes. Et être capable de revêtir, de couvrir ces nanotubes, c'est très difficile. On peut imaginer que, je ne sais pas si vous avez une tranche de pain avec de la confiture, mettre de la confiture dans chacun des trous, finalement, c'est quelque chose qui est très difficile. Il y a peu de méthodes qui y arrivent. Mais l'ALD, sa particularité, c'est qu'elle vous permet de recouvrir exactement chacun de ces petits trous. Ici, on l'applique au photovoltaïque. Mais finalement, ces propriétés de matériaux, cette spécificité, elle est déjà utilisée pour la microélectronique, mais elle est utilisée aussi pour le médical, pour l'optique, pour la bijouterie. En fait, pour toutes les situations où on a besoin d'avoir un revêtement très fin et dont on contrôle exactement ses propriétés. Alors, comment on contrôle ses propriétés? Et puis là, voilà, comment ici, vous allez tester ses propriétés? Alors, comment on contrôle ses propriétés? Donc déjà, c'est la nature des molécules chimiques. Donc, dans le cadre de mes recherches, il y a la préparation et le design de nouvelles molécules pour utilisation pour l'atomic layer deposition. Donc pour ça, on va s'utiliser les connaissances qu'on a en chimie inorganique ou en chimie organométallique. La différence, c'est qu'ici, ensuite, on aura une réactivité à une surface. Donc de la même façon, on va utiliser les outils et la connaissance de la réactivité de surface. Encore une fois, la question qui est primordiale, c'est la molécule qu'on utilise, comment elle va réagir à la surface, quelle est sa réactivité? Et surtout, qu'est-ce que ça va donner comme propriété au matériau ensuite? Et ensuite, dans le cadre de l'IPVF, j'ai la chance de pouvoir que ces matériaux qui puissent être directement utilisés dans des dispositifs photovoltaïques, dans des cellules solaires. Et donc, on valide finalement la fonctionnalité et l'efficacité du matériau qui a été déposé. Là, on a des outils de caractérisation des matériaux. En fait, les matériaux, quand on les caractérise, on va essayer de regarder leur épaisseur, leur taille, leur structure cristalline, est-ce qu'ils sont cristallins ou alors est-ce que les atomes sont désordonnés, c'est un matériau amorphe. Et puis on va essayer de les regarder directement, on va essayer de comprendre la rugosité du matériau, également les propriétés optiques et les propriétés électriques, comment ils conduisent ou pas le courant électrique. Bonjour. Vous avez une cellule que vous mesurez en ce moment là ? Alors, expliquez-moi un petit peu ce qu'on appelle une mesure de cellule et puis ce qu'on cherche à contrôler. Le but ultime, c'est quand même d'avoir une cellule qui a une efficacité, qui produit une puissance électrique la plus grande possible, donc qui a une efficacité photovoltaïque maximum. Et pour ça, on la caractérise. On utilise ce qu'on appelle un simulateur solaire. C'est ce que vous avez ici, c'est une ampoule, c'est une lampe qui va exactement reproduire le spectre solaire tel qu'il arrive à la surface de la Terre. On va éclairer la cellule solaire et vous voyez ici, on va installer deux contacts. Et on va regarder les propriétés électriques. En l'occurrence, on va lui appliquer une tension et on va mesurer un courant, ce qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de cette cellule solaire. Alors, qu'est-ce que la bonne efficacité d'une cellule solaire? À partir de quel seuil une cellule solaire devient intéressante? Il y a des limites physiques qu'on ne peut pas dépasser. Justement, aujourd'hui, on est à un point où si on utilise un dispositif avec un seul matériau qui va être photoactif, alors la limite, elle est de 33%. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'avoir des cellules qui vont être encore plus efficaces. Et pour ça, il faut avoir des systèmes avec deux absorbeurs, peut-être même trois absorbeurs. Et dans ces cas-là, cette limite physique, on la repousse, donc on peut s'attendre à des efficacités encore plus importantes. Et c'est justement là, parce qu'on est obligé d'aller sur des architectures qui sont beaucoup plus complexes, qu'on a besoin de nouvelles compétences, et notamment de ces nouveaux matériaux qui sont très fonctionnels et très efficaces et bien contrôlés. Et voilà une piste de recherche pour l'amélioration du rendement des panneaux photovoltaïques. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Alexis Vossier. Alors sur la méthode ALD en elle-même, je m'abstiendrai de tout commentaire parce que je n'étant pas spécialiste, je me retiendrai de dire quoi que ce soit. Mais après, c'est on va dire c'est ça illustre pour moi l'une des deux finalement la recherche pour moi en photovoltaïque repose sur deux grands leviers qui sont augmenter les performances, augmenter le rendement et diminuer les coûts. Et en fait, selon les technologies de cellules qu'on va chercher à développer, on va préférentiellement jouer sur l'un ou sur l'autre des leviers. Donc, sur les technologies à haut rendement, comme celles qui semblent être évoquées dans ce reportage, on ne va pas hésiter à mettre en œuvre des moyens relativement complexes et relativement onéreux pour essayer de développer des cellules dont les performances sont le plus élevées possible. Là où, sur d'autres technologies, on va au contraire essayer, on va pas forcément chercher à établir des rendements de conversion qui soient records, mais à essayer de développer des méthodes qui permettent de mettre au point des technologies de cellules aussi efficaces que possible et à bas coût. Mmh. Anis Jouigny, est-ce que vous voulez réagir à ce portage? Je trouve que c'est vraiment très bien présenté, surtout que donc l'ALD, en fait, c'est le terme en anglais, c'est atomic layer deposition, ça veut dire c'est un dépôt de couches minces atomiques. Mmh. Et puis donc on utilise des précurseurs chimiques pour déposer une couche ultra mince. Donc il faut dire que le photovoltaïque s'inspire beaucoup d'autres technologies existantes et dérisquées. Donc l'ALD, aujourd'hui, elle est très utilisée dans le domaine des semi-conducteurs. Donc nous, on essaie de récupérer ce savoir-faire avec les contraintes du photovoltaïque. Les contraintes du photovoltaïque, c'est qu'on cherche à déposer des couches très fines sur un nombre de plaquettes par équipement très très élevé. Donc aujourd'hui, les cadences des équipements, on parle de 3000 plaqueurs et on y va vers les 5000 ou 6000 plaques par heure. Donc, les dépôts à l'état vapeur, avec une forte cadence, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui pour garantir toujours la compétitivité des procédés à l'échelle industrielle. Mmh. Et c'est une voie très étudiée aujourd'hui pour déposer cette nouvelle couche qui se marie avec le silicium pour aller chercher le rendement au-delà de 30%. Et a priori, théoriquement, on pourrait, grâce à cette technologie multicouche, vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure les technologies spatiales, où là évidemment le coût n'est plus un enjeu, qui utilisent déjà ces systèmes de multicouches, on arrive à des choses qui coûtent effectivement très cher, mais on peut arriver jusqu'à quel type de rendement maximum? En fait, la collègue, elle a cité, elle a dit, donc on peut aller chercher au-delà de 35 à 38%, mais après, si on veut chercher plus de rendement, c'est qu'on devrait chercher d'autres couches. C'est qu'on part de deux couches, on va partir à trois. Ça veut dire, donc, plus qu'on dépose, et là, c'est le problème qui peut se poser, c'est plutôt le problème de faisabilité à l'échelle industrielle et le coût qui est associé à ça. C'est, donc ça, si on reste sur des technologies à base de silicium. Mmh. Donc tout à l'heure, ce que j'ai cité dans le monde du spatial, c'était on utilise communément des cellules 3-5, c'est d'autres matériaux, eux, ils peuvent y aller jusqu'à des rendements qui dépassent les 40%. Mmh. Alors il y a une autre, puisque là on parle beaucoup de cellules photovoltaïques à base de silicium, il y a un autre matériau qui est utilisé, qui est assez prometteur, dont je vais vous demander de me parler un peu, c'est ce qu'on appelle les perovskites. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, où en est la recherche et pourquoi là aussi ça pourrait donner lieu à de nouveaux types de panneaux photovoltaïques plus efficaces que ceux au silicium, Alexis Vossier? Alors, donc les perovskites, il s'agit d'une structure qui est cristallographique, en fait. Donc, ça désigne toute une famille de matériaux qui sont basés sur l'association de cations organiques, cations métalliques, anions halogènes. Et ça suscite depuis quelques années énormément d'intérêt dans la communauté. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui a tout un tas d'avantages. Notamment, il présente de grandes qualités au niveau de son absorption de la lumière, au niveau de la facilité avec laquelle on peut fabriquer des cellules solaires. Ses principaux problèmes aujourd'hui, sont liés à la dégradation de ses performances sous illumination. Mais en quoi il intéresse particulièrement la communauté photovoltaïque? C'est parce que le rêve ultime d'une bonne partie de notre communauté serait de combiner des cellules pérovskites, dont on peut en fait modifier assez facilement les propriétés optoélectroniques, avec une cellule silicium pour créer une cellule tandem qui a été évoquée à l'instant. Donc l'idée serait de développer des cellules plus efficaces à bas coût, donc en combinant deux technologies faible coût. Mmh. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'un des gros avantages du silicium et des cellules photovoltaïques de silicium, c'est leur durabilité, hein, parce que le rendement ne chute que très peu. On dit qu'elles peuvent durer jusqu'à 25-30 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quel est le problème ou quelle est la durée théorique, en tout cas, de ces cellules pérovskites, Alexis Vossier? Alors, je suis pas expert en pérovskite, donc je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des problèmes de migration ionique au sein du matériau qui font que typiquement le matériau se dégrade quand même assez vite. Là où c'est vrai pour des cellules photovoltaïques à base de silicium, on va avoir sans problème des durées de vie. Enfin, les panneaux photovoltaïques silicium sont garantis 20, 25, 30 ans aujourd'hui, et même après 25 ans de fonctionnement, ils présentent encore de très bonnes propriétés, de très bons rendements de conversion. Donc effectivement, il va clairement falloir régler ce problème de stabilité de ce matériau pérovskite avant d'envisager de pouvoir l'associer avec une technologie qui est fiable et éprouvée comme le silicium. Mmh. Anis Jouini, un mot sur ces pérovskites. Donc c'est un matériau prometteur, donc comme l'explication qui vient de d'être évoqué à l'instant, un matériau qui offre vraiment, on va dire, il y a tous les ingrédients pour l'utiliser dans le domaine du photovoltaïque, donc un dépôt à quelques microns qui peut se faire sous phase vapeur. Il y a d'autres phases aussi de dépôt là où c'est possible, et puis théoriquement le rendement aussi est là. Donc il y a des records qui ont été publiés par plusieurs équipes, dont nous avons publié il y a 2 ans en arrière un record mondial sur une surface de quelques centimètres carrés. On approche les 20% de rendement. Donc le potentiel de rendement, il est là. 20% de rendement ? 20% de rendement, oui. Ce qui est moins que le silicium, non ? C'était la pérovskite toute seule. Oh, d'accord, ok, très bien. Mmh. Après, quand elle se marie avec le silicium, elle va essayer d'apporter les 5 ou les 6 qui vont. Le silicium aujourd'hui, il y a le record mondial qu'on a publié nous l'année dernière, c'est qu'on a atteint les 25%. Mmh. Donc c'est d'aller chercher les 5 ou les 6% quand on est dans une cellule tandem. Et le point, je pense aussi, les deux axes de recherche sur lesquels on est très actif en ce moment, c'est comment déposer ces cellules pérovskites sur une large surface. La cellule solaire aujourd'hui, elle faisait 156 mm de côté, elle est passée à 166, et puis dans les 2 années à venir, on va passer à 210 mm. Mmh. Donc c'est des cellules très larges, donc il faut vraiment travailler un dépôt sur des plaquettes larges. Et le deuxième sujet qui reste le plus important, ce que vous avez évoqué à l'instant, c'était la durabilité. Mmh. Comment ces cellules vont résister à une vingtaine d'années, à une trentaine d'années, sans se dégrader. Il ne faut pas que cette cellule se dégrade plus que le silicium, que vraiment, lui, il se dégrade très très peu aujourd'hui. Mmh. L'Institut photovoltaïque s'est fixé comme objectif, un objectif qu'il appelle 30-30-30, 30% de rendement pour 30 centimes le watt en 2030. C'est un objectif qui vous semble atteignable aujourd'hui, Alexis Vossier ? Eh ben, écoutez, quand on voit l'évolution des chiffres du photovoltaïque, que ce soit en termes de rendement ou de prix au cours des années passées, on se dit pourquoi pas, c'est vrai. C'est vrai que l'illustration des pérovskites est à cet égard très parlante, je trouve, parce que c'est une technologie alors qui est partie de zéro il y a à peine plus de 10 ans, puisque les rendements étaient de l'ordre de 4% en 2009, et puis aujourd'hui, donc le rendement de conversion record sur pérovskite est équivalent à celui du silicium, donc 25%. Mm-hmm. Donc c'est une progression vraiment très étonnante, très rapide. Les cellules tandem pérovskite sur silicium ont aujourd'hui des rendements de conversion qui sont proches de 30%. Donc évidemment le but c'est de 30%, comme on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission, ça constitue ce qu'on appelle la limite physique pour les cellules dites simples jonctions qui font intervenir juste une seule jonction PN. Donc en combinant cette technologie pérovskite avec des siliciums, le but du jeu est évidemment de dépasser cette limite tout en déployant des technologies à faible coût, évidemment. Pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on parle un peu de stratégie de déploiement. Aujourd'hui, on va parler de la France. Hein. Quelle est aujourd'hui la stratégie, selon vous, qui est à privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier des grandes surfaces, des grandes centrales, donc de type industriel, que l'on pourrait déployer? Alors là, encore une fois, sur des toits de supermarchés, peu importe, ce ne sont pas les espaces qui manquent, ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à faire comme le fait le gouvernement, beaucoup d'incitations financières, ce qui peut d'ailleurs être un peu critiqué par les détracteurs du solaire en disant ça coûte très très cher à l'État pour que tout un chacun puisse poser des panneaux solaires sur son toit et éventuellement rendre de temps en temps un peu d'électricité au réseau. Qu'en pensez-vous, Annie Zouini, en quelques mots? Bon, en quelques mots, nous sommes partisans d'un slogan qui est vraiment très très simple et qui parle presque à tout le monde. On dit le PV partout, pour tous et pour toujours. Ok. C'est vraiment, l'énergie, elle est de plus en plus, elle se démocratise, il y a des centrales villageoises, il y a des gens qui s'organisent entre eux, de bouche à oreille, il y a des choses qui poussent, donc ça c'est en ce qui concerne le résidentiel, les serres photovoltaïques, il y a des acteurs qui sont vraiment très très actifs pour combiner le module avec la centrale, que ce soit avec le terrain agricole et autres. Nous, on a travaillé au sein de l'Institut sur juste un point, et je finis avec ça, comment adapter le module à des applications spécifiques. Il y en a un qui est venu nous chercher, il nous a dit les toitures des centres commerciaux ne peuvent pas supporter des modules trop lourds. Les modules pèsent en moyenne autour de 10 à 12 kg au mètre carré. Donc en 18 mois, on était capable de sortir un module qui pèse 4 à 5 kg au mètre carré. Le groupe Thales est venu nous voir, il a dit, est-ce que vous pouvez baisser ça en dessous d'un kilogramme? Et en gardant la meilleure efficacité. Et ça, c'est pour un projet qu'on appelle Stratovus. Et on était capable de sortir un produit, un générateur solaire qui répond à ces spécifications. Donc, vraiment, le photovoltaïque s'adapte. Avec son intermittence, il s'adapte aussi aux autres sources d'énergie, dont ça dépend des pays. Et puis surtout, avec son coût très très bas, ils offrent la possibilité à ce que d'autres sources de stockage viennent s'inviter, parce que on parle, les objectifs qu'ils ont mis en place par les collègues de l'IPVF, les 30-30-30, nous on les propose et on a les mêmes, et cette source d'énergie, elle est passionnante, elle a toujours démenti les attentes et les prévisions, et elle était toujours au-delà des attentes. Un mot pour conclure, Alexis Vossier, sur cette question de la politique de déploiement. Oui, alors c'est une excellente question, parce que on pourrait être heurté à un problème d'acceptabilité sociale, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, comme on l'évoquait plus tôt, il y a 10 gigawatts de photovoltaïque qui sont installés en France. Si on voulait basculer la totalité de l'électricité française, si on voulait passer à 100% solaire, il faudrait multiplier ce chiffre par environ 50, hein, puisqu'on est à 2,5% de l'électricité française qui est photovoltaïque. 40, on va dire. Donc, ça veut dire, est-ce que la population va accepter de voir des champs photovoltaïques partout autour d'elle? Parce que c'est ce vers quoi il va falloir tendre si on veut de l'électricité partout, photovoltaïque solaire. La deuxième option, c'est évidemment le PV sur les toitures. PV, donc, c'est pas procès verbal, hein, c'est photovoltaïque, oui. Ouais, c'est pas bon, c'est photovoltaïque. Donc, c'est possible qu'à la fin, l'acceptabilité sociale des panneaux photovoltaïques soit sur toiture, fasse en sorte que ce soit cette approche qui soit privilégiée. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à Anis Jouini et à Alexis Vossier d'être venus faire un point sur le déploiement du photovoltaïque. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Eve Etienne, Dominique Guette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, le saviez-vous? Il y a plus de temps qui s'est écoulé entre l'apparition du stégosaure et celle du tyrannosaure qu'entre celle du tyrannosaure et de l'être humain. Eh bien demain, vous allez savoir plein de choses comme ça, absolument passionnantes sur les dinosaures. On fait un point sur nos connaissances, sur ce règne qui a duré si longtemps et sur cette espèce qui a tellement fasciné. On vous ouvre les portes du Jurassic Park, mais promis, sans se faire croquer le mollet, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.